Document B, chapitre 6e, l'histoire du brigantin. Alexandre Kozlov, Sacha et Svetlana, Svetia, étaient ensemble étudiants en histoire à la prestigieuse université Lomonossov de Moscou. L'été était souvent consacré à des camps archéologiques, activité qui était la spécialité de la jeune femme. Kozlov, quant à lui, s'était plutôt centré sur l'étude de la Révolution française de 1789. Le 22e anniversaire de Svetlana tomba en pleine campagne de fouilles. Kozlov, le sachant, avait emporté de quoi fêter cet événement. Il ignorait, comme tout le monde, qu'un délateur se trouvait parmi eux. Ce 20 juillet, Svetlana, que tout le monde appelait Svieta, était arrivée à la veillée avec une bouteille de Kizmaroli apportée de Tbilissi par son oncle Kolia. Ce vin géorgien, le préféré de Staline, garnissait les tables de la nomenclatura soviétique. La jeune fille l'avait mis de côté pour son anniversaire. Elle s'était, en outre, procuré des pommes de terre dans un kolkhoz voisin et avait cueilli, avec l'aide de sa meilleure amie Maya, un grand bol de myrtilles sauvages. Pour recevoir leurs hôtes, les deux femmes avaient déniché la grange délabrée d'une ferme abandonnée non loin du campement. Elles y avaient dressé une table de fortune avec de vieux tréteaux et des planches brutes. Bien qu'il n'y ait qu'une gorgée de vin et une pomme de terre par convive, ce repas fut une fête. Pour clore ce moment de convivialité, tout le monde fredonna le brigantin, une chanson du barde Georges Lepski. Ce type de rengaine était apparu en URSS dans les années 1950, en marge de la musique officielle imposée par l'État. Cette mélodie, écrite en 1937, était devenue très populaire auprès des jeunes. Son succès ne se démentait pas de génération en génération. Les paroles faisaient allusion à l'île au trésor de Robert Louis Stevenson, à son héros le pirate Flint et à son bateau, un brick de deux mâts appelé Brigantin. Au cours de la soirée, les convives parlèrent littérature, poésie et chantèrent notamment une mélodie où il était question d'un colon, un pionnier australien. Sur la rive de l'autre fleuve, ah, belle Volga, s'était assis un pionnier célèbre. À l'époque, on entendait cette chanson autour de tous les feux de camp, mais ce soir-là, il aurait été préférable de ne pas la chanter. Quelques jours plus tard, Svetlana fut convoquée au poste de police du village voisin. Elle fut interrogée par un officier nommé Yuri Nikolaïevitch Ladrin. Elle avait été accompagnée par Kozlov, qui l'attendit sur le rebord de la fontaine faisant face au commissariat. Le policier désirait questionner la jeune archéologue. « Yuri Ladrin, que faites-vous de votre temps libre ?» Svetlana, prudemment. « Je me promène avec Sacha, mon petit ami. On ramasse des champignons, on admire le paysage. Yuri Ladrin, est-ce qu'il vous arrive de lire des poèmes lors d'éveillé ?» Svetlana, oui. Yuri Ladrin, lesquels ? Svetlana, Pushkin, Lermontov. Yuri Ladrin, insistant, mais encore. Svetlana, Nekrasov aussi, je crois. Yuri Ladrin, est-ce tout ? Svetlana, Simonov. Elle ne voyait pas ce que cet homme, dont le teint rougeau trahissait une appétence pour le samogon, la vodka maison, pouvait bien trouver d'intéressant à l'interroger sur ses connaissances en poésie classique russe. Elle fut vite fixée. Yuri Ladrin, fronçant les sourcils, avait voulu du Akhmatova. Elle prit peur. Les autorités soviétiques, jugeant les œuvres de cette poétesse socialement trop peu pertinentes, les avaient condamnées. Sa poésie bourgeoise avait été interdite de publication dès 1922 pour plus de 30 ans. Svetlana le savait. Elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait là. Elle sentait que sa convocation n'était pas un interrogatoire de routine. Cela ne présageait rien de bon. Svetlana, non. Elle mentit. Elle avait lu des textes d'Akhmatova, sous la tente, en présence de son amie Maya, à laquelle elle accordait toute confiance. Elle savait que cette dernière ne l'avait pas dénoncée. Toutes deux étaient outrées par les ignares qui s'érigeaient en gardiens des normes esthétiques. Akhmatova était une grande poétesse. Le poème incriminé n'était pas même interdit. Il s'agissait de Courage, un texte écrit en 1942, pendant la grande guerre patriotique contre le nazisme. Il avait fait la une de la Pravda. Maya et Svetlana étaient prudentes. Elles savaient qu'Akhmatova avait été victime de l'épuration et chassée de l'union des auteurs pour érotisme, mysticisme et indifférence politique. Elles n'ignoraient pas non plus que, mise à l'index, la poétesse n'était plus autorisée à publier officiellement. À son sujet, Andriy Alexandrovitch Danov, le McCarthy rouge, avait écrit qu'elle était une nonne ou une putain, ou plutôt à la fois une nonne et une putain, qui marie l'indécence à la prière. Svetlana, dont le père était commissaire politique dans l'armée, ne pouvait avouer s'être procuré sous le manteau des œuvres de l'écrivaine disgraciée. Yuri Ladrine, d'un ton glaçant, essaie de te rappeler. Est-ce que tu n'en as pas lu en public ? Svetlana, se répétant, non, je n'en ai pas lu. Yuri Ladrine, et pourtant Barbara Andreevna Soshina affirme le contraire. Elle assure que tu en as lu près du feu. Svetlana, avec tranquillité, elle se trompe. Contrairement à Svetlana, la jeune Barbara suivait des études laborieuses en deuxième année. Gentille, mais pas trop futée, elle avait confondu les poètes et les poèmes. Yuri Ladrine, maintenant passons à ton anniversaire. Est-ce que vous avez bu ? Svetlana, sans hésitation, oui. Yuri Ladrine, qu'avez-vous bu ? Svetlana, une bouteille de Kinzamaruli, un demi-verre par personne. Nous étions 18. Les yeux bouffis de l'alcoolique scintillèrent soudainement. Svetlana ne sut pas si c'était lié à l'évocation de la boisson, ou à la jalousie qu'il éprouvait à son encontre, et à celle de ses amis qui consommaient un vin prestigieux qu'il ne pourrait jamais s'offrir. Yuri Ladrine, curieux. Et après, qu'avez-vous fait ? Svetlana. On a chanté. Yuri Ladrine, quelle chanson ? Svetlana, sans sourciller. Les bateliers de la Volga. Yuri Ladrine, très insistant. Et quoi d'autre ? Svetlana, je ne me rappelle pas. Yuri Ladrine, fièrement. Je sais que vous avez chanté sur la rive de notre fleuve. Le policier avait volontairement accenté sur l'adjectif possessif pour mettre en exergue la modification déviante dont il voulait accuser la prévenue. Svetlana, d'un ton assuré et ferme, « Non, je n'ai pas chanté sur la rive de notre fleuve, mais j'ai chanté sur la rive de l'autre fleuve. » Ces différences qui pourraient paraître aujourd'hui comme anodines ne l'étaient pas à l'époque. La variation d'un phonème changeait radicalement le sens que l'on pouvait donner à la chanson. S'il s'agissait de notre fleuve, la chanson relaterait l'histoire d'un membre du mouvement des pionniers des jeunesses communistes d'Union soviétique et non l'histoire d'un colon australien brut épaisse décapitant des aborigènes pour s'accaparer leurs terres. Dès lors, le récit d'un pionnier soviétique découpant des têtes pour usurper des territoires s'avérait une calomnie envers le système politique russe. Svetlana, sans en démordre, j'ai changé de l'autre fleuve. La jeune femme entrevoyait le piège que le policier lui tendait et dans lequel il tentait de la pousser la tête la première. Yuri Ladrine, plongeant son regard dans celui de sa proie. Es-tu certaine que ce n'était pas notre fleuve ? Svetlana, soutenant le regard, « Absolument !» Elle comprit que sa meilleure défense serait d'appliquer à la lettre les préceptes de la dialectique qui lui était enseignée à raison de 3 heures par semaine. Svetlana, parlant lentement, « Notre n'aurait qu'un sens parce que c'est une chanson qui traite d'un pionnier australien. Il n'aurait pas pu avoir son fleuve natal en Australie puisqu'il est colon. Ce pays a été peuplé par des bagnards, des exilés et des proscrits. Il aurait pu avoir son fleuve natal en Angleterre, en Écosse ou en Irlande, mais certainement pas en Australie. Ce serait illogique. Yuri Ladrine, dépassé par la connaissance scientifique de l'histoire, « Veux-tu dire que cette chanson ne parle pas de pionnier ?» Le calme apparent de la jeune femme, ainsi que son parfait usage de l'à-propos, venait de lui permettre de reprendre la main sur l'entretien. Elle décida de pousser son avantage. Svetlana. C'est une chanson sur les pionniers colonisateurs de l'Australie, des bagnards britanniques déportés aux antipodes. L'officier de police, déstabilisé par cette étudiante qui semblait tout droit sortie de l'école des cadres du parti, ne se sentait plus très à l'aise tout à coup. Il était loin des interrogatoires habituels qui le confrontaient davantage à des colcosiens voleurs de poules, à des alcooliques qui avaient le vin méchant ou mélancolique, plutôt qu'à des contre-révolutionnaires. Yuri Ladrine, accablé. Barbara Soshina prétend qu'elle t'a entendu dire « notre ». Svetlana, le ton moqueur. Peut-être a-t-elle chanté notre, moi j'ai chanté l'autre. L'archéologue en herbe comprenait intuitivement qu'elle était en train de remporter la joute qui l'opposait aux policiers de quartier. Yuri Ladrine, épuisé. Ça va, tu peux repartir. Réfléchis bien chez toi. Si tu n'as pas oublié quelque chose, tu peux toujours nous en parler, tu sais. Il se leva, passa devant la table d'interrogation et désigna d'un rapide mouvement du bras la porte à la jeune femme. Sur la place du village, Svetlana retrouva enfin Alexandre qui l'attendait. Il lui demanda avec fébrilité ce que lui voulait la milice rurale. Elle demeura silencieuse. Il n'osa troubler sa méditation. Elle réfléchissait. Elle n'avait jamais récité de poème d'Akhmatova. Pourquoi Barbara affirmait-elle le contraire ? Il lui fallait se mettre à sa place. Est-ce que cette dinde connaissait bien les poèmes ? Elle en doutait. Elle se remémora les différents moments qui aurait pu prêter à confusion. À force de cogiter, Svetlana finit par en arriver à la seule conclusion possible. Barbara avait attribué à Akhmatova, à laquelle il avait été fait allusion en cours, un poème de Lermontov abordé en classe. Maya, la fidèle amie de Svetlana, voulut savoir quel était le poème que Barbara disait être d'Akhmatova. Elle contacta Ladrine. Elle alla avec l'enquêteur trouver Barbara qui, au bord de la rivière, mettait au jour des fossiles du Crétacé. « Salut Maya !» lança Barbara en la voyant accompagnée de Ladrine. « Que me voulez-vous tous les deux ?»« Barbara, je vais te lire quelques poèmes. Arrête-moi dès que tu reconnaîtras celui d'Akhmatova que tu as entendu Svetlana réciter. » Au troisième texte, Barbara arrêta Maya. Ladrine pencha la tête. Il regardait le nom du poète et du recueil au bas de la feuille de cahier. C'était un texte de Lermontov. En policier consciencieux, Ladrine fit un rapport au doyen de la faculté. La date de l'audience publique de cette affaire fut fixée peu avant la rentrée universitaire. Le dossier de Svetlana était le dernier à l'ordre du jour du conseil de pré-rentrée. Barbara avait confirmé par écrit qu'elle s'était trompée. Svetlana n'avait pas lu le poème d'Akhmatova. Elle avait prononcé l'autre fleuve, conformément aux paroles de la chanson qui critiquait la décadence occidentale et l'impérialisme anglo-saxon, celui-là même qui avait vu les pionniers australiens décimer les aborigènes. Le doyen de l'université prit la parole. Koslov, au premier rang de l'auditoire, couvait du regard sa chère Svetlana, assise aux côtés de Maya, sur un tabouret au milieu de la salle du conseil. « Quelqu'un pourrait-il me dire, s'interrogea l'inquisiteur rouge, pour quelle raison on devrait sanctionner cette jeune fille ? Elle n'a fait que chanter une chanson niaise, me direz-vous. Elle a déclamé quelques poèmes idiots. Pas de quoi fouetter un chat. Et pourtant c'est grave. Je voudrais vous dire, camarades, que notre devoir est d'être vigilant, de réagir avec fermeté et de punir tout type de conduite anti-soviétique. Notre devoir sacré est de tuer le mal à la racine, avant qu'il ne fleurisse. Aujourd'hui, camarades, elle chante ou déclame un poème, mais demain, elle pourrait tout aussi bien décider de faire sauter une usine d'armement ou une maison du peuple. » Svetlana eut droit à un blâme pour son comportement antisocial. Lors de la même audience, Maya fut accusée de manquer de vigilance. C'était elle, et non Barbara, qui aurait dû dénoncer Svetlana. Elle reçut donc aussi un blâme. Toutes deux achevèrent fort heureusement leurs études et obtinrent leur diplôme malgré tout. À la fin de l'université, les chemins d'Alexandre Koslov et de Svetlana Kikina se séparèrent. Sacha n'oublia jamais cet anniversaire des 22 ans de Svetia, celle qui fut son premier amour, pas plus que la bouteille de Kinsmaruli, d'oncle Kolia, ou l'attente interminable devant le commissariat de campagne. Ils se retrouvèrent l'année suivante. Comme dans les contes de fées, ils se marièrent et eurent une seule fille, Xenia. Ce jour-là, Koslov comprit que la duplicité était le meilleur viatique pour progresser et survivre dans le monde. Il s'appliqua à s'adapter comme un caméléon à son environnement. Il n'avait pas l'âme d'un contestataire. Il ne l'avait jamais eu. Il servit donc le système loyalement tant qu'il dura, comme il servit celui qui lui succéda. Il était diplomate depuis si longtemps que la dissimulation et la prudence étaient devenues chez lui non plus une philosophie de vie, mais une seconde nature.